Ne cherchez plus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la saga numéro 405 qui démarre, la saga spéciale George Harrison, concoctée par notre ami, alors je repère toujours son nouveau nom, Frankie Crisp, Jean-Philippe. Donc j'espère que tout va bien se passer, mais j'en suis persuadé. Il nous a concocté une saga spéciale George Harrison qu'on aurait dû entendre la semaine dernière. Et la semaine dernière, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu être présent ici à la radio. Donc c'était pour l'anniversaire de George Harrison, qui aurait eu 76 ans le 25 février. À savoir que lui-même, George Harrison, a découvert quelques années avant son décès qu'il aurait pu serait né le 24 février vers minuit. Qu'importe qu'il soit né le 24 février à 23h59 ou le 25 février à 0h01, c'était quand même quelqu'un de très très bien, notre Quiet Beatles. Et on va lui rendre hommage avec des chansons des Beatles, d'Harrison, des Traveling Wilburys, etc. Je vous cite les 5 premières, comme d'habitude, je n'en cite jamais plus. Je vous laisse découvrir les 5 premières. Ce sera Do You Want to Know a Secret sur l'album Please Please Me en 63. Il y aura Beware of Darkness sur All Things Must Pass en 70. Faster sur l'album George Harrison. Pas foulé pour le titre, hein, mais c'est un bon titre, George Harrison, en 79. Pour les Beatles, ce sera If I Needed Someone sur Rubber Soul en 65. Et puis, il y aura un extrait de Wonderwall Music en 68. Premier album solo, quelque part, musique de film, de George Harrison avec In the First Place. Pour le reste, vous verrez. Je vous propose de rester sur le groupe Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four sur rg.fr, rgfm.fr bien sûr. Et donc je vous souhaite une excellente soirée sur RG. Ici il fait très très très très chaud, je pense que je vais être nu dans 15 secondes. Heureusement il n'y a pas de webcam. Mais tout va bien, on va ouvrir la fenêtre, je sais pas, on va arrêter le chauffage, on va le mettre le chauffage dehors. Mais il fait vraiment très très très chaud. Bonne soirée à toutes, ça commence dans quelques secondes avec Do You Want to Know a Secret? Please Please Me sur RG. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. John John Lennon, quand il a composé cette chanson, a été inspiré par un dessin animé de Walt Disney. Puisque dans le dessin animé, il y a l'héroïne qui chante avec les oiseaux, vous savez, pour faire le ménage, et qui fait « Est-ce que vous voulez savoir un secret, mais vous promettez de ne le dire à personne ?» Et ça commence comme ça, et voilà. Attention à l'obscurité. Beware of darkness sur RG. Watch out now, take a beware of falling swiftly. Dropping all around you. The pain that often mingles anything you do. Dans la voiture, allez, on démarre et on va aller plus vite, plus vite, plus vite et encore plus vite. Nous sommes en 1979. C'est un excellent album que je vous conseille. Jumped into the deepest end. pushing himself to all extremes, made it. People became his friend. Now they stood and noticed him, wanted to be a part of it. Oh, as a poor machinery, so he worked till the pieces fit. The people were intrigued, his wife held back her fears. The headline gave a claim, he realized the dreams. Faster than a bullet from a gun, right on the edge of do or die, when there is nothing left to spare. Still the crowds came pouring in, some had hoped to see him fail, filling their hearts with jealousies, crazy people in a frail. La voiture retourne au garage tranquillement et on va remonter le temps jusqu'en 1965 sur l'album Rubber Soul. La chanson de George Harrison en question, c'est If I Needed Someone. Elle fut composée par George pour Patty Boyd. C'est un exercice musical sur un accord en ré à la guitare. Cet accord et ses variations se retrouvent dans de nombreuses chansons. Et j'ai toujours été surpris de voir que les gens continuaient de trouver de nouvelles permutations à ces notes, dit-il. Lorsque Derek Taylor, l'attaché de presse des Beatles, alla s'installer à Los Angeles et se mit à représenter les Birds, George lui demanda de leur dire que la musique de If I Needed Someone avait été inspirée par deux de leurs chansons, The Bells of Rimney et She Don't Care About Time. Je ne connais pas ces deux chansons-là, mais du moment que George le dit, je le crois. Then I guess I'd be with you, my friend.

bande originale du film Wonderwall Music en 1968, premier écart de George Harrison hors des Beatles avec cette bonne BO. Enfin, il y a une partie personnellement que je n'aime pas beaucoup, qui est trop hindoue ou indien, comme vous voulez, parce qu'on a fait une discussion à propos de ça. Et l'autre partie, par contre, il y a Cowboy Music, il y a ça que vous venez d'entendre à l'instant, qui est un inédit. À l'époque, ça n'était pas inclus dans le vinyle. Ça a été rajouté plus tard dans une réédition. In the First Place, c'est vraiment très bien. Il y a des trucs assez sympas que vous pouvez acheter. Par contre, je vous déconseillerais le Electronic Sound de George Harrison. C'est une grosse daube qui ne sert qu'à caler mes autres CD, tout comme Life with a Lion pour John Lennon ou d'autres dont j'ai oublié le nom tellement c'est assez mauvais. Bon, mais on n'est pas là pour parler des choses mauvaises qu'ils ont fait. On est là pour rendre hommage à George Harrison sur RIG. Et voici la suite de cette saga préparée par Frankie Crisp Jean-Phi. C'est lui qui a fait l'intégralité de la playlist. Je n'ai rien fait d'autre. Voici Devil in a Heart, suivi de Handle with Care sur RIG. Les Beatles d'abord, 1963. She's got the devil. Avec Roy Orbison, avec Tom Petty, avec Jeff Lynne et avec Bob Dylan. George Harrison, Handle with Care sur RIG. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputations change. Situations terrible, but baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely.

Ma guitare pleure doucement en 1968. Il y a eu en 1975, cette guitare ne peut pas s'empêcher de pleurer. Elle continue de pleurer. C'est très très bien, une très très bonne chanson de l'album Extra Texture, Read All About It. On continue dans la saga des Fab Four, cette émission spécialisée sur John, Paul, Ringo et George, à rendre hommage à George pour son 76e anniversaire qui aurait eu lieu le 25 février. On est juste un peu à la bourre parce que je n'étais pas là la semaine dernière. Voici Dark Horse sur RIG en 1974. Bye.

Première chanson officielle de George Harrison avec les Beatles en 1963 sur l'album With the Beatles. Il est vrai qu'auparavant, il avait composé Cry for a Shadow avec Paul McCartney, mais, c'est un instrumental. Donc, quand je dis la première chanson officielle, donc une chanson avec des paroles et composée uniquement par George Harrison. Et auparavant, c'était en 1968, Savoy Truffle, une chanson qui parle des chocolats de diverses sortes parce que son copain Eric Clapton adorait les chocolats. Il paraît qu'il avait les dents gâtées à cause de ça. Et George Harrison en a fait une chanson. La suite de la saga des Fab Four consacrée à George Harrison et concoctée par Frankie Crisp ce soir, c'est maintenant avec End of the Line, Les Traveling Wilburys, extrait de leur album numéro 3, qui est en fait le numéro 2, mais sans Roy Orbison, qui hélas était parti vers d'autres cieux dans le sens littéral du terme à cette époque-là. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Somewhere down the road away, the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. The end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all. I want you at the

me mine, have me mine, have me mine. Now the fright and the leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. I'm in me, mine. Revenu en 1970 sur l'album Let It Be, et cette chanson Je, Moi, à Moi, I Me Mine sur RIG dans la saga des Fab Four. Rocking into Comme le dit Stella sur le groupe Facebook, impossible de rester immobile sur cette chanson-là, Roll Over Beethoven. Et elle ajoute que Jeff Lynne en a fait une superbe version. Alors oui, c'était en 1973. Ça commence par un extrait de Beethoven réellement fait au violon. Et puis ça dérive sur le rock'n'roll à fond. Et une version, je crois, qui dure au minimum 7 minutes. Je sais même pas si 7 minutes, c'est pas la version courte. C'est un excellent morceau du groupe Electric Light Orchestra à l'époque. Nous en arrivons, tiens, puisqu'on parle de cover, nous en arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou après la séparation. Et même si eux-mêmes n'avaient pas créé cette chanson, mais la reprenaient d'un de leurs pères, genre justement Chuck Berry ou Little Richard ou qui que ce soit. Eh bien, cette chanson-là, ça peut être pris par un artiste connu ou pas. Ça peut être vous aussi, si vous m'envoyez les chansons, si elles sont bien agréables et qu'on peut les passer à la radio. Eh bien, ça pourra faire l'office d'une cover dans la saga des Fab Four. La cover d'aujourd'hui, eh bien, c'était pour rendre hommage à George Harrison. Il y avait tous ses copains présents. Il y avait encore à l'époque Billy Preston. C'est sur le Concert for George. Et c'est l'extraordinaire Isn't It a Pity fait par tous ses copains sur RIG. Et c'est en live, évidemment.

Internet, ce qui est bien avec vous, c'est qu'il suffit que je me pose une question. J'ai dit tout à l'heure, juste avant la chanson, c'est un des armes fatales, mais je ne sais plus lequel. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt cherché, c'est l'arme fatale 2. Merci à vous de l'avoir dit dans le groupe La Saga des Fab Four. Teardown, à l'instant sur RG. Je vous propose, attention là, nous allons tous mettre le casque pour mettre le son à la limite de la rupture. Deux masterpieces à la suite. Monsieur George Harrison au meilleur de sa forme en 68 et en 69. Je ne les présente pas les morceaux, vous les connaissez tous les deux et vous savez que l'un des deux est le morceau que je garderai de tous les Beatles si je devais en sortir un seul. C'est celui-là. ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au minimum depuis le début de l'émission, ou sinon depuis ces deux chansons-là, personne ne peut s'empêcher de chanter les paroles. C'est trop bien. Stay down. reçu cette chanson en radio en début 2001, on a pensé, durant l'année 2001, je ne me rappelle plus quand exactement, on pensait qu'il s'agissait d'un extrait du nouvel album de George Harrison à venir. On ne savait pas que George Harrison ne publierait cette chanson-là que sur l'album Jules Holland Big Band Rhythm and Blues, sorti donc en 2001, et qui ne serait pas inclus dans l'album Brainwash. Mais du moment qu'on a l'album, tout va bien. Vous êtes sur RIG, déjà bientôt, Lola, une petite demi-heure avant la fin de cette émission, vous retrouverez dans une grosse demi-heure donc Johnny de A à Z avec Eric sur RIG. Mais pour l'instant, c'est toujours un hommage à George Harrison qui aurait eu 76 ans le 25 février. Et je vous propose Old Brown Shoe sur RIG avec une basse extraordinaire. Adressé à quelqu'un, pas comme vous les fans, mais quelqu'un, on va dire, d'ordinaire, qu'est-ce qu'a chanté George Harrison après la séparation? Il vous citera certainement My Sweet Lord sur RIG. plus la musique parce que ça va être trop juste sinon, et on essaiera de ne pas déborder. Après My Sweet Lord, allons jusqu'en 1976, tranquille, avec Pure Smokey sur RIG, un hommage à George Harrison ce soir dans la saga des Fab Four. You know I believe in how. complètement différent. Nous sommes en 1982. Voici Gone Tropo, extrait de l'album Gone Tropo sur RIG. Passer certaines chansons. I Want to Tell You, puis Baltimore Oriole à venir et on finira avec une belle chanson de 1970. mistletoe. I'd like to ruffle the spoon. Faisait des reprises, George Harrison, parce que c'est une reprise, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est drôlement bien avec ce saxo et tout ça. C'était en 1981 sur l'album Somewhere in England. Voici le dernier morceau de la saga, Hear Me Lord sur RG. Juste après, le générique. Et évidemment, ensuite il y aura Johnny de A à Z avec Eric dans quelques minutes. voilà, voilà. Je vous souhaite une très agréable soirée avec Eric pour Johnny de A à Z et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres aventures. Salut, ciao. Yeah.